Jean Bosco, Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 6 mai 2017. Voici quelques titres de cette édition. Alors que le professeur et politicien Évariste Ndayimenda estime que le travail de la commission Vérité et Réconciliation sera sans effet suite au contexte actuel du pays, Aloïs Batungwanayo, président d'une association militant pour la mémoire et la protection contre les crimes internationaux, trouve que la CVR doit continuer son travail malgré les difficultés pour que la vérité sur ce qui s'est passé au Burundi soit connue. Ce débat a eu lieu ce vendredi au cours d'une journée de réflexion sur le rôle de la CVR dans la gestion des mémoires blessées. C'est un reportage d'Evariste Nzikobanyana. Les pénuries répétitives de carburant handicapent les activités des fonctionnaires et des autres travailleurs. Vous les entendrez dans ce journal. Et dans la chronique agriculture, un expert nous parlera de la programmation des films. Et à la fin de ce journal, vous aurez la revue de presse. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Je venais de vous le dire dans ce journal, un débat a eu lieu hier sur la problématique de la gestion des mémoires blessées. La commission Vérité et Réconciliation doit continuer son travail malgré la situation difficile du moment pour que la vérité sur le passé du Burundi soit connue. C'est ce que dit Aloïs Batungwanayo, président de l'AMEPC. Et c'est au moment où le politicien Évariste Ndayimenda trouve que le travail de la CVR est sans effet suite au climat qui règne dans le pays. Ces interventions, je le disais, ont été recueillies ce vendredi lors de la journée de réflexion sur le rôle de la commission Vérité et Réconciliation dans la gestion des mémoires blessées. Évariste Nzikobanyanga était là pour nous, voici son reportage. La gestion des mémoires blessées suite au passé caractérisé par la criminalité au Burundi est interprétée de façon différente par les politiciens burundais. Évariste Ndayimenda fait partie du groupe qui trouve que le travail de la CVR n'est pas possible à cause de la situation du moment. C'est un exercice qui devrait se faire dans un contexte de liberté, se faire dans un contexte d'esprit apaisé. Les esprits ne le sont pas, les violences se poursuivent. L'instrumentalisation que normalement on était amené à vaincre pour justement arriver à une gestion saine de mémoire se poursuit. Alors on peut se demander quel pourra être le résultat. Sinon, comme exercice, c'est un exercice de mon point de vue incontournable, c'est un exercice de mon point de vue nécessaire, c'est un exercice de mon point de vue salutaire. Mais encore une fois, il se pose un problème de contexte, un problème de bonne foi et on peut craindre que le résultat ne soit pas celui que l'on était en droit d'escompter. Avis contraire du côté des associations des rescapés des violences qu'a connu le Burundi dans le passé. Au sein de la MEPC, Girubuntu, le président de cette association, Aloïs Batungwanayo, encourage la commission Vérité et Réconciliation à continuer son travail pour que la vérité soit connue. Il est grand temps qu'on puisse dire la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé au Burundi? Qui a fait quoi? Et surtout pour que ces gens-là, qui sont des auteurs, ne puissent pas continuer à être dans l'administration centrale du Burundi, à être dans le Parlement pour voter des lois qui vont les protéger, puissent cesser d'être dans des institutions de défense de la sécurité, parce qu'on ne peut pas assurer la sécurité de la victime que tu as rendu victime. Les responsables de la CVR trouvent que ce langage controversé n'est autre que le piège tendu au travail de cette commission. Monseigneur Jean-Louis Nahimana, président de cette commission, indique que c'est la conséquence du fait que le passé est resté secret de Polichinelle. Et c'est ça justement le problème aujourd'hui. Il y a, comme je l'ai dit, une certaine fatalité qui pèse sur le peuple burundais aujourd'hui. Ou, je ne sais pas si c'est lié à la culture, ou face à des problèmes, on s'assoit, on attend que la solution vienne d'ailleurs. Et moi, je l'ai souvent dit, si on a été nommé à la commission de réconciliation, c'est parce que c'est nous qui détenons la vérité. Mais c'est plutôt pour créer un espace où la parole peut être libérée. Et justement, à travers les différents échanges essayer de dégager ensemble des voies et moyens qui peuvent aider notre pays à sortir du bourbier dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Ces interventions ont été recueillies ce vendredi lors de la journée de réflexion sur le rôle de la CVR dans la gestion des mémoires blessées. Une séance précédée par le mois d'avril où différents groupes de Burundais ont commémoré les dates marquant les crimes au cours desquels les leurs ont été assassinés. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Il est 13h02 à Bujumbura. La révision de la constitution mais par voie référendaire, le rapatriement définitif du dialogue inter-burundais qui se déroule en Tanzanie à Arusha. Voilà quelques-unes des propositions d'une équipe de 28 partis politiques et leaders à la délégation du facilitateur Benjamin Mkapa, une délégation qui vient de séjourner à Bujumbura durant 3 jours. Jean Dodieu Mutabazi, président du parti Khadebou, fait savoir que l'équipe a mis en avant une résolution convenue à Gitega. Suivez-le. Nous nous sommes rencontrés, la délégation nous a remis le programme ainsi que les thématiques sur lesquelles nous devions donner nos avis et considérations. Alors, les thématiques comportaient la sécurité, la politique, la bonne gouvernance, ainsi que la constitution et le code électoral. Alors, après avoir constaté ces 4 thématiques, nous avons préféré leur remettre la résolution des 28 leaders des partis politiques, y compris Amizero Abarundi, que nous avions signé en date du 20 avril 2017 à Gitega. Nous leur avons promis nos avis et considérations ainsi que notre position sur les 4 thématiques, c'est-à-dire la sécurité, la politique, la bonne gouvernance ainsi que la constitution et le code électoral. Entre autres propositions, vous vous êtes prononcé sur la révision de la constitution ainsi que le code électoral en vue des présidentielles de 2020. Qu'en est-il? La grande charpente de notre résolution, c'était que on voulait premièrement que le dialogue inter-burundais soit définitivement rapatrié. Deuxièmement, les 28 partis et leaders des partis politiques, nous avions pris position que la constitution actuelle devait être révisée, mais être soumise par voie référendaire. Troisièmement, on avait pris position que les thématiques devaient se limiter uniquement sur ce qui est relatif avec les préparatifs des élections de 2020. Jean Dodieu Mutabazi, c'est le président du Khadebou que Mireille Kanyang vient de joindre au téléphone tout à l'heure. Et le respect de la Constitution et de l'accord d'Arusha doit être une priorité pour le gouvernement. C'est un des points soulevés par le professeur Juvenal Ngoganoussa lors de la séance de briefing avec la délégation du médiateur dans la crise burundaise. Le président du MRC ajoute que la mise en place d'un gouvernement de transition viendrait aider dans l'organisation des élections de 2020. Suivez le professeur Juvenal Ngoganoussa. La première priorité, c'est l'engagement sur l'honneur de la partie gouvernementale de ne pas toucher à l'accord d'Arusha, surtout en ce qui concerne les mandats présidentiels. La deuxième priorité, c'est l'équilibre des forces au sein de la défense et de la sécurité, et surtout dans le haut commandement. Parce que nous faisons un constat amer. La tête du ministère de la sécurité, de l'état-major de l'armée, toute cette tête est monocolore au point de vue politique et ethnique. Si ce sont des équilibres subsistent, ce sera difficile d'appeler les réfugiés à rentrer, car ils ne se sentiront pas sécurisés du moment qu'ils rencontreront dans leur quartier, sur leur colline, des forces de défense qui ne les rassurent pas. Nous nous sommes également exprimés sur le gouvernement de transition. Il doit être à base élargie et son interprétation est également à élargir, car un gouvernement de transition sans la présence de l'opposition dans le système législatif, cela ne rassurera pas non plus les gens. C'est à ce prix que nous pourrons organiser des élections sur un pied d'égalité. Le professeur Juvenal Ngoganoussa, il est président du parti MRC Rurenzangemero. Dans la suite de ce journal, les usagers de bus de transport en commun à mairie de Bujumbura disent avoir beaucoup de difficultés quand ils se dirigent vers différents services le matin ou quand ils rentrent du travail le soir. Et certains affirment qu'ils sont même obligés de rentrer à pied et demandent que ce problème de transport soit résolu. Écoutez certains habitants de la ville de Bujumbura qui se sont exprimés sur le micro-baladeur de notre rédaction. J'habite au nord de la ville de Bujumbura. Souvent, je me pointe à l'arrêt bus vers 6 heures, mais je peux passer 2 heures, c'est-à-dire jusqu'à 8 heures, sans avoir trouvé un bus. À ce moment, on est déjà en retard au service. Le soir, c'est la même situation. On attend le bus sur un long fil sur les parkings en ville et les bus arrivent après une très longue attente pour ceux qui peuvent patienter. Cela perturbe les différentes activités. Il y a ceux qui choisissent de rentrer à pied et arrivent chez eux tard dans la nuit. Quand il faut quitter la ville pour la maison le soir, c'est vraiment stressant car il nous faut vraiment une très longue attente sur les fils. On ne comprend pas pourquoi. Certains choisissent de partir à pied, mais tout le monde n'est pas capable de le faire, d'où certains d'autres sont obligés d'attendre très longtemps. Vraiment, nous souhaitons que ce problème soit résolu pour faciliter la vie aux citadins. J'habite à Kanyosha, dans la commune Muha. Franchement, la situation des bus est devenue casse-tête. Quand il est temps de rentrer, on ne sait plus quoi faire à cause de ces longues files. Il arrive même des moments où les bus disparaissent, mais le moment le plus dur, c'est quand on est obligé de se rendre au service à pied. Moi, je prends normalement le bus qui se dirige vers la commune de Muha. Nous passons souvent 30 à 45 minutes sur les arrêts bus, surtout quand on doit prendre les bus vers Kibenga Large. La solution est toujours celle de partir à pied. Moi, je prends souvent l'option de me diriger vers l'arrêt bus du petit séminaire pour attendre les bus de Kanyosha. Mais toujours là, on y trouve tout un monde qui attend. La plus grande difficulté survient quand il faut quitter la ville le soir pour le domicile. C'est vrai que cette mesure de s'aligner selon l'ordre d'arrivée est venue résoudre les problèmes qui existaient. Mais quand il y a carence de bus, on est dépassé et on choisit de rentrer à pied. Voilà, c'était le micro-baladeur de la radio Isanganiro à propos de ces difficultés en rapport avec le déplacement en commun. Et ce problème de transport en commun a commencé à se manifester depuis les pénuries répétitives de carburant observées ces derniers jours dans la ville de Bujumbura. Et on ne sait pas encore pour l'instant ce qu'envisage l'Office des transports en commun. Rendons-nous maintenant à Rumonge pour retrouver notre correspondant qui nous rapporte que plus de 20 000 litres de boissons prohibées ont été saisis et versés par terre sur différentes collines de la commune et province Rumonge, et cela en moins d'un mois. Juvenal Wigrimana, gouverneur de cette province, dit qu'on est sur une bonne lancée, même si de telles saisies se répètent en quelques jours. De Rumonge, Jean-Pierre Misago. Depuis le 12 avril dernier, 24 038 litres de boissons prohibées ont été saisis à Kizuka, Kagongo, Karonda et plus récemment ce mercredi à Mayengo. À chaque fois, l'administration, le service national de renseignement, la police et le parquet collaborent pour traquer et traduire en justice les producteurs et les consommateurs attrapés en flagrant délit. Alors qu'on attrape ici et que cela se reproduit à côté, en quelques jours, la police dit que l'administration locale doit s'impliquer davantage pour démonter définitivement ce réseau. De son côté, Juvenal Bigirimana, gouverneur de Rumonge, dit que l'étape est franchie et satisfaisante. En effet, avec une amende allant jusqu'à 500 000 francs burundais et ou un emprisonnement déjà appliqué, ces attrapés ont renoncé à ce commerce et ceux-ci dénoncent quant à eux ceux qui ne sont pas encore attrapés. Ainsi, avec l'identification précise des fabricants et vendeurs de ces boissons, le gouverneur de Rumonge dit que très bientôt, la fabrication et la vente de ces boissons qui menacent la sécurité et nuisibles à la santé humaine ne sera plus d'actualité en province de Rumonge. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro Chronique. Je Je l'avais annoncé dans les titres, on parle de programmation de films. La 9e édition du Festival de l'audiovisuel et du cinéma au Burundi aura lieu du 19 au 26 mai et les préparatifs de ce festival arrivent à terme. Les films en compétition sont déjà sélectionnés et classés en catégories selon leur genre et leur durée. Et c'est le travail d'un programmeur avec son équipe qui s'en charge. Ingabire Luc Noël, c'est le chargé de la programmation des films en Festicab. Il nous explique comment se fait la programmation et c'est une chronique préparée et présentée par Christian Savier. Faire la programmation des projections de films, des ateliers, des formations durant la période du festival est le grand travail d'un programmeur. Avant que le festival ne se tienne, un grand travail délicat de sélection est fait par toute une équipe. Luc Noël Ngabire est le chargé de la programmation au Festicab. La sélection, ce n'est pas le responsable de la programmation qui le fait. Il y a toute une équipe qui se rassemble et qui visionne les films qui ont été envoyés pour le festival. Et là, selon des critères, surtout techniques du film, regarder si l'image est acceptable, si le son est aussi acceptable pour la projection dans les salles. Après, les films sélectionnés sont classés dans les catégories, selon les critères bien définis. Au cinéma, tous les films ils n'ont pas la même durée. Donc il y a des longs métrages qui peuvent aller jusqu'à 100 minutes, 50 minutes, on commence à parler de longs métrages. Il y a aussi des courts métrages et des moyens métrages. On a des catégories nationales, parce que le Festicab est là pour faire la promotion en premier lieu du cinéma burundais. Il y a les films fiction et les films documentaires. Le Festicab n'a pas oublié l'international, puisque ce festival est aussi international. Il y a aussi la catégorie internationale, et là où aussi on considère les films fiction et les films documentaires. Il y a la catégorie aussi l'East African, dans la catégorie Est africaine. Donc ce sont les films qui viennent des pays qui sont dans la région de l'Afrique de l'Est. Donc le Burundi, l'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie, le Rwanda et aussi le Soudan du Sud qui a intégré aussi cette région. Puis vient une autre catégorie hors compétition, Luc Noël Ingabire. La catégorie qui est hors compétition, ce sont des films qui sont intéressants, que ce soit qui intéressent à la fois le thème de l'année ou bien un film qui a eu une réputation internationale ou bien un film qui vraiment attire l'attention du public. Et là, on met dans cette catégorie qui est hors compétition, qui est panorama. Ingabire Luc Noël interpelle les jeunes talentueux qui s'intéressent au cinéma de faire beaucoup de formations pour arriver au niveau de rivaliser avec le reste du monde. Je pense qu'ils doivent fournir beaucoup plus d'efforts dans la recherche, surtout la recherche des connaissances. Dans la prochaine chronique Art et Culture de samedi, nous allons parler du rôle d'un directeur dans un festival de cinéma. Merci Christian Savier, le rendez-vous est pris. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. C'est Albert Ndoyau qui l'a mis en onde. Mais Mireille Kanyangé me rejoint dans ce studio pour la revue de presse. Jean Bosco, Douimane. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous situez. Où trouver du carburant, s'interroge le rédacteur en chef au journal Iwachu dans son éditorial. La question est sur toutes les lèvres de la plupart des automobilistes. Depuis quelques mois, dit-il, sa pénurie dans la capitale comme en province plonge le pays dans une psychose. Avec la hausse des prix de transport, la vente du carburant sur le marché noir à un prix exorbitant et toutes les spéculations qui vont avec, le prix de certains produits de première nécessité commence à gonfler. Dans une séance de questions orales devant l'Assemblée nationale, le ministre de l'Énergie et des Mines lie la pénurie du carburant au manque de devises et à la dépréciation de la monnaie burundaise. Il accuse une société, Kobil Burundi, poursuit l'éditorialiste, d'avoir utilisé les devises destinées à l'importation du carburant à d'autres fins. Lesquelles ? S'interroge encore une fois l'éditorialiste. Le journal Burundi Echo a naturellement écrit lui aussi sur la pénurie de carburant. Tout le monde est sanctionné. Les Burundais sont-ils condamnés à faire de plus en plus souvent la file d'attente pour obtenir du carburant ? S'interroge l'hebdomadaire. Cette situation de crise ne va pas améliorer le contexte économique. En effet, il faut remarquer que cette pénurie handicape tout le monde, complique la vie des fonctionnaires et autres travailleurs dans leurs déplacements et ralentit par conséquent la vie économique et commerciale du pays. Du coup, dans son classement hebdomadaire, le journal Iwachu met en baisse le ministère de l'Énergie et des Mines pour son incapacité à trouver des mesures appropriées dans la gestion de la crise liée à la pénurie du carburant. En hausse se trouve Claude Birumusharu, arbitre international burundais, pour avoir été choisi parmi le quatuor magique africain qui va officier à la Coupe des Confédérations prévue en Russie du 17 juin au 2 juillet. L'hebdomadaire Iwachu écrit également sur l'arrêt de l'attribution des parcelles dans Kigobe Sud Extension. Le ministère de l'Eau, de l'Environnement du Territoire a décidé en effet il y a quelques jours d'annuler l'attribution d'une cinquantaine de parcelles à Kigobe Sud Extension en zone urbaine de Gihosha. Une mesure applaudie par la population et les députés, note Iwachu. C'est pour éviter de revivre les scènes horribles auxquelles nous sommes en train d'assister, non loin de là où des maisons tombent l'une après l'autre, justifie Omer Nyonguru, porte-parole de ce ministère. Selon lui, ce site est déclaré actuellement non constructible pour l'intérêt général. C'est une excellente décision, réagit un habitant de Kigobe. Satisfaction également du président de la commission environnement à l'Assemblée nationale qui dit, je cite, « Nous avions à maintes reprises demandé que les attributions des parcelles cessent sur les rives de la Nahangwa. Très récemment, le géographe et professeur d'université avait tiré une sonnette d'alarme et que c'est en plein majeur de la rivière Nahangwa. Revue de la presse. La fête du travail du 1er mai ne signifierait pas grand-chose pour les enseignants, écrit le journal La Voix de l'enseignant. L'enseignant burundais, qui passe des années et des années à inculquer des connaissances et de l'éducation aux enfants du pays, se réjouit quand ceux-ci réussissent aux études. Les autres travailleurs se construisent du premier, voire même du second logement. L'enseignant désespéré reste indifférent face à la fête. Quel travailleur condamné à être locataire toute la vie peut fêter la journée du travail ? Interrogea un enseignant. Le secrétaire général de l'ONU livre un message relatif à la journée mondiale de la liberté de la presse célébrée le 3 mai, écrit l'agence en ligne Net Press. Permettez-nous, chers auditeurs, de vous faire part de l'intégralité du message d'Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. Je cite, « Les journalistes se rendent dans les endroits les plus dangereux pour prêter leur voix à ceux qui n'en ont pas. Les professionnels des médias sont confrontés à la diffamation, aux agressions sexuelles, aux emprisonnements, aux coups et blessures et même à la mort. Nous avons besoin de personnalités fortes pour défendre la liberté des médias. C'est là une exigence primordiale pour faire barrage à la désinformation ambiante. Et chacun d'entre nous doit se battre pour défendre le droit à la vérité. En cette journée mondiale de la liberté de la presse, je lance un appel pour que cessent toutes les formes de répression à l'encontre des journalistes, parce qu'une presse libre fait progresser la paix et la justice pour tous. Protégeons les journalistes, car leurs mots et leurs images peuvent changer le monde. » Fin de citation. L'agence burundaise de presse ABP rapporte la mise en délibéré de l'affaire Rugopharm Cogerco. L'affaire oppose la société Rugopharm à la compagnie de gérance de coton et à l'État burundais pour une propriété de plus de 1500 hectares se trouvant en commune Rugombo de la province Cibitoke. Et l'audience publique a eu lieu dans les enceintes de Rugopharm ce 3 mai. Cette société déclare que la Cogerco exploitait 280 hectares en tant que locataire de Rugopharm qui prétend, écrit la BP, avoir acheté la propriété à la compagnie Ruzizi. Les avocats de l'État accusent Rugopharm de travailler dans l'illégalité et demandent que les intérêts de l'État soient sauvegardés. Après l'audience, la Cour a demandé aux deux sociétés l'inventaire et la valeur de leurs biens se trouvant dans la propriété en litige, ce qui nécessite des experts selon les parties au procès. Ainsi s'achève cette revue de presse présentée par Jean-Bosco Nduimana et Mireille Kanyange. Nous vous souhaitons de bons moments en compagnie de la radio Isanganiro. À la prochaine.